Quel horizon pour la vie en ville? Comment construire les nouvelles urbanités? The Urban, un podcast qui interroge notre rapport à la ville et nos modes de vie urbains en allant à la rencontre de leurs grands penseurs. Une série d'entretiens exclusifs, de chroniques et reportages à travers le monde à découvrir sur toutes les plateformes de podcast et sur gessina.fr. Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio aux coûts humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Violée, une histoire de domination. Une série de Clémence Elzard réalisée par Séverine Cassard. Au départ de cette série, il y a des statistiques implacables. 22 900 personnes violées en 2019 et le plus souvent des personnes vulnérables, discriminées, méprisées ou mal considérées, car tout est une affaire de pouvoir. Alors pour commencer, les personnages. Des femmes lesbiennes lucides, une avocate en colère, une femme noire déterminée, une travailleuse du sexe qui détricote, une femme trans qui démine, une femme handicapée qui défriche, un auteur qui cherche et un journaliste gay activiste. Ensuite, le décor. Des expéditions punitives, des cris dans la nuit, des menaces, des plaintes, le féminisme, le silence des communautés, des conflits de loyauté, des sexualités contraintes, l'inceste, l'église, la folie, la résistance et l'exposition à la violence. Aujourd'hui, deuxième épisode, on est là pour entendre et si on a les oreilles sensibles, on peut s'éloigner du poste. Ah oui, et ce que je voulais dire surtout, c'est qu'en fait, faut vraiment arrêter avec la libération de la parole de la femme. Ça fait 1000 ans qu'on dit qu'on est violé, on le dit tout le temps. Les enfants aussi, ils le disent. Ils ont toujours une phrase, ouais, papy, il a fait un truc bizarre avec ma culotte, et voilà. Et sauf qu'après, c'est pas entendu, c'est pas écouté. C'est pas la parole qui se libère, c'est n'importe quoi, ça. C'est l'écoute qui, en ce moment, est en train d'évoluer, est en train d'être interrogée et interpellée. Il faut continuer, elle est exigeante, cette écoute, elle est fuyante. Mais il faut l'entraîner, il faut... C'est pas à nous de travailler notre parole, enfin c'est pas la parole qui... c'est l'écoute. Même si les deux vont ensemble, mais tu vois, c'est pas la libération de la parole de la femme. Violée, une histoire de domination. Par Clémence Alzard et Séverine Cassard. Les voix passées sous silence. Aujourd'hui ça me fait rire parce que quand elle est morte, les hommages étaient partout, des trucs dithyrambiques, machin et tout. Et moi j'étais là genre... Est-ce que quelqu'un veut bien raconter ce qui s'est passé avec Toni Morrison quand L'œil le plus bleu est sorti? Le sujet de ce livre avait offensé au plus haut point la communauté noire, les communautés noires, parce qu'elle osait parler d'inceste et que c'était considéré comme une trahison. Elle en a chié pour ce bouquin. Les gens adorent te citer plein d'autres titres de Toni Morrison, mais celui-là... Dans L'œil le plus bleu, Toni Morrison raconte l'ampleur et les ravages des violences sociales, leur continuum, la fabrique des violents et des violentés qui violentent. Un violé par la suprématie blanche qui viole dans son foyer. Sans dédouaner, elle raconte cette vengeance contre les corps à porter, corps de femmes, corps d'enfants. L'accueil réservé à ce livre raconte le coût de la parole, notamment pour les minorités. Des paroles confisquées pour ne pas donner du grain à moudre. Des paroles contraintes par des mythes, le violeur noir, le migrant violeur, l'homosexuel, pédophile, prédateur, la conjointe et la prostituée forcément consentante, la femme handicapée forcément reconnaissante. En octobre 2017, en 24 heures, plus de 2 millions de femmes témoignent en ligne des violences sexuelles qu'elles ont subies. Leurs récits sont réunis par un mot dièse, hashtag MeToo. Moi aussi. On lit dans la presse, une déflagration, un moment historique, inédit, la honte change de camp, l'onde de choc est mondiale. MeToo est partout. Les minorités, les victimes d'inceste et ou de violences dans l'enfance sont proportionnellement surreprésentées parmi les victimes de violences à caractère sexuel. Les écouter, c'est comprendre les rouages d'un système où le viol n'est pas affaire de sexe ou de sexualité, mais de pouvoir. Ces récits manquent. Je les cherche en vain. Mais je me souviens, d'autres, avant, avaient ouvert la voie. En 1978, se tient à Aix-en-Provence le procès du viol. Les deux plaignantes, Anne Tonglet et Araceli Castellano, sont lesbiennes et défendues par l'avocate féministe Gisèle Halimi. À l'époque, on ne parle pas de viol correctif, c'est viol perpétré sur les lesbiennes pour les remettre dans le droit chemin de l'hétérosexualité. Leur lesbianisme est élément à charge, décrédibilise leurs paroles. Il a pourtant tout à voir avec les viols qu'elles ont subis cette nuit-là. Il y a quelques mois, en Savoie, nous avons rencontré Anne Tonglet avec Mathilde Forger. Anne Tonglet, pionnière de MeToo avant la lettre. C'est évident que c'était une expédition punitive. Étant donné que nous avons été abordés par un mec, Petrelli, qui était avec son chien lorsqu'on débarquait de la voiture, et qu'il a commencé à dire « Ah, vous êtes de nouvelles, vous êtes belge ». Il y avait la plaque de la voiture. On dit « Oui, mais alors, laissez-nous tranquilles, nous sommes fatigués, on aimerait bien avoir la paix ». Il a été vexé et il a organisé. Ah, il dit « Mais moi, toutes les filles, je les drague ». J'ai dit « Oui, peut-être, mais nous, ça ne nous intéresse pas ». Inutile de vous dire qu'il a tout de suite compris, ou en tout cas, il a interprété ça comme un refus de femmes lesbiennes, quoi. Il a tout de suite compris et il a lancé une expédition punitive avec deux autres copains, quoi, la nuit. C'est clair et net. C'était organisé et c'était pensé, prémédité. Alors on a commencé à crier au secours. On était à 100 mètres d'une autre tente, en haut dans la pinède, pas loin du village, et on nous a entendu crier. Hein, on nous a entendu crier. Et le type de la tente, à 100 mètres au-dessus de nous, la femme crevait de peur et disait à son mec, « Va voir, ce cri est effrayant. » Et il dit, « Mais non, ce sont des jeunes qui s'amusent sur la plage. » Voilà, et il n'est pas venu. Il a été convoqué au procès et c'est vraiment un type qui était contre nous. Dans le village, on nous a aussi entendu crier. Donc, personne n'est intervenu. Personne. Moi, j'ai perdu ma voix. J'ai plus pu crier. Je me suis décorporalisée complètement. J'avais le cerveau bloqué. Je bougeais plus. J'étais paralysée. Raide morte. J'étais complètement tendue. Mes muscles tendus, etc. Puis ils nous ont menacés de mort. Ils ont commencé à dire, si vous criez encore une fois, on vous lance des pierres. Ben, ils ont menacé. Hein. Je ne dis pas qu'ils l'auraient fait parce que ça aurait été quand même signé un crime en plus. Un crime de plus. Hein. Bon. Et puis ils sont partis à 5 heures du matin. Voilà. Quand le jour s'est levé. Et nous avons couru à la voiture. Et puis voilà, ça a déclenché tout le reste. Vous êtes allé porter plainte immédiatement. Immédiatement, là, le gendarme nous a reçus très très bien. Il était encore en pyjama avec son bonnet de nuit. Et on avait du sang partout, du sperme, enfin on était sales, etc. Et il nous a dit, il faut aller à l'hôpital. Et nous sommes arrivés à l'hôpital et là nous avons été reçus par une charmante femme médecin. Fait très rare, parce que des femmes médecins, il n'y en avait pas encore beaucoup dans les années 60-70. Et c'est elle qui nous a accueillis, on a expliqué, elle avait une trentaine d'années, et elle nous a cru. Elle a dit, il faut maintenir la plainte. C'est comme ça que le processus politique s'est enclenché, en tout cas chez moi, très fort. Vous êtes qui, vous, la bande de voyous, là, qui vient? Les jurés d'Aix-en-Provence ont dû prendre leur décision dans un climat peu propice à la sérénité. Selon les observateurs, l'atmosphère de la cour d'assises était empoisonnée. D'un côté, les sympathisantes du mouvement Choisir, qui ont sensibilisé la ville d'Aix par des manifestations et des défilés. De l'autre côté, des gens qui ne comprennent pas que l'on réprime les violences sexuelles et qui sont allés jusqu'à gifler Maître Halimi, l'avocate des plaignantes. Ils ont même craché au visage des deux jeunes belges violés. Des bagarres ont eu lieu devant le palais. Le verdict est donc tombé hier soir. 6 ans de réclusion pour Petrelli, 4 ans de prison pour ses deux complices. Quand une femme est violée, on commence par dire mais elle n'avait qu'à pas porter un jean collant, elle n'avait qu'à pas sourire, elle n'avait qu'à pas sortir, elle n'avait qu'à pas, à la limite, elle n'avait qu'à pas exister en tant que femme. Et à la cour d'assises, nous demandons, c'est une des propositions de loi que Choisir va déposer incessamment sur le bureau du garde des Sceaux et à l'Assemblée nationale, qu'il n'y ait pas de huis clos, sauf bien entendu, la seule réserve, si la jeune femme violée le réclame elle-même. Nous voulons donc la publicité, cour d'assises et publicité, parce que nous pensons que une chose pour un homme est de violer et autre chose est de vouloir qu'on le sache dans son village, dans son travail, dans les journaux. Donc la publicité peut jouer comme un moyen de dissuasion. Mathilde Forger. Gisèle Halimi, Gisèle qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Gisèle, j'ai beaucoup lu des choses d'elle et elle m'a beaucoup aidée aussi. Et Gisèle, elle était vénère aussi. Hein. Faut arrêter le truc là, dès qu'elle est morte, de se dire oui, elle au moins, elle était classe. C'est vraiment un truc de mec de nous dire de militer classement déjà. Genre, La gestabilité, le fait que notre libération joue comme une provocation au viol, contient un terrible aveu. Pour eux, l'homme ne ferait victorieusement l'amour qu'avec une femme dominée et soumise, deux libertés ne pouvant s'accoupler. L'homme ne forniquerait efficacement que s'il défonce, s'il détruit, s'il réduit à sa merci sa partenaire, autrement dit, s'il viole. Le viol contient en soi les germes d'un fascisme ordinaire. Ça, c'est Gisèle Halimi. Donc, il n'y a pas à arrêter de nous opposer aussi les féministes actuelles, et quand il y en a une qui meurt en disant que, que maintenant qu'elle est morte, ses combats étaient élégants, quoi. Gisèle, elle voulait que ça continue, hein. Vous pensez à MeToo, à quoi vous pensez ? Ou à qui vous pensez ? Là, spontanément, je me rappelle d'images que moi j'ai pu voir sur Twitter. Sharon O'Mankoy. J'ai été particulièrement captivée par ces messages parce que c'était rempli de, à la fois de colère, à la fois de courage aussi. Parce que je crois que c'est pas rien d'exprimer à la première personne. Moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est quand... les personnes sont en capacité de dire « je ». J'ai subi, j'ai vécu, j'ai ressenti. Puis il y a aussi après, évidemment, tout ce que j'ai pu lire dans la presse, que ce soit sur l'affaire Weinstein. Moi, je ne peux pas m'empêcher aussi de penser à l'affaire DSK avec Nafissa Toudialo, même si alors c'était pas dans les mêmes temps que MeToo, je sais plus trop, mais... Moi, cette femme noire, effectivement, qui parle aussi de son agression face à un homme politique et la vague raciste, toute la misogynoire aussi qu'elle s'est pris en pleine figure de par sa position de femme noire, de par sa position de femme de chambre. Donc, encore une fois, quand on cumule comme ça plusieurs situations comme la sienne, il y avait aussi un sentiment de colère, c'est que pourquoi soudainement sa parole à cette femme serait moins légitime, dévalorisée, elle dit avoir été agressée, pourquoi on ne peut pas accueillir sa parole, pourquoi sa parole est spontanément remise en question, alors que ce qui est intéressant, c'est que le mouvement MeToo à la base a été impulsé par une femme noire. The efforts of Ms. Burke and MeToo will never cease. Praise God for you, you rock! Tarana Burke, primée en septembre 2018 à la cérémonie de remise de prix Black Girls Rock. And beyond that, I can't tell you what it meant to have black women that I could point to that were more than just survivors of sexual violence, but people who triumphed. The girls who I worked with needed that. Quand MeToo arrive, en fait, ça fait 10 ans qu'elle bosse là-dessus. Axel Jaenjike, autrice. Et j'ai une affection particulière pour elle parce que moi, ce qui m'avait interpellée, c'est que je me suis dit, putain, mais il y a une meuf noire qui a pris cette question à bras-le-corps dans nos communautés. Et personne ne sait qui tu es. Et pourquoi est-ce que les magazines noirs américains n'ont jamais parlé de toi avant ceci? Et encore, ils vont mettre un peu de temps entre le moment où ça va émerger et le moment où ils vont vraiment lui rendre hommage. L'association qu'elle fonde, Tarana Burke, c'est, je crois, à l'échelle d'un quartier aussi pour... Les travailleuses sociales. Ouais, voilà, les travailleuses sociales. Et donc, l'idée est vraiment de libérer la parole des femmes et des jeunes filles, dans ce quartier populaire et dans la communauté afro-américaine. Dans la communauté afro-américaine, mais comme ce sont des quartiers populaires, ce sont des quartiers dans lesquels il n'y a pas que des afro-américains qui vivent, il y a également des latinos. Donc du coup, ça devient un mouvement de femmes noires et de ce que les Américains appellent le « brown woman », toutes celles qui ne sont pas noires de peau, mais qui sont considérées comme des personnes issues des minorités visibles américaines. Voilà. Donc MeToo, il a donc été lancé par une travailleuse sociale noire, états-unienne. Est-ce qu'il vous semble, vous, Axel Jaenjike, qu'il y a eu un vaste mouvement de libération de la parole des femmes noires ? Non. Non, c'est resté circonscrit, j'allais dire aux Américaines, mais en fait même pas. C'est sûr qu'elles parlent plus hein, que les Afropéennes. L'Afropéenne, quand j'utilise ce terme-là, c'est celles qui sont d'ascendance africaine, mais qui sont nées ou qui ont une culture qui est européenne. Donc c'est nous les Françaises, les Italiennes, les Belges, etc., qui sommes aussi d'ascendance subsaharienne pour la plupart. Et de ce côté-là, par contre, c'est toujours le silence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les groupes privés, sur Facebook, dans des trucs fermés, etc. On parle. Mais de manière publique, c'est très très rare en fait. Parce que ça reste stigmatisant. Parce qu'on est aux prises avec un conflit de loyauté aussi. Parler de ces questions-là, c'est mal. C'est donner une mauvaise image de la communauté. C'est ce qu'on vous dit tout le temps. Et à un moment donné, c'est, on en revient toujours à la même question. Dans quelle mesure avez-vous le droit d'être un sujet où vous n'appartenez qu'à la communauté? Et donc la communauté est une énorme hydre qui réfléchit au nom de tous. Et quand vous êtes une femme ou une fille, dénoncer ça, ça revient à revendiquer votre statut de sujet, quoi. Et arriver avec ça en étant capable de dire... qu'il y a ces choses-là qui existent au sein de nos communautés, moi, je perçois plus comme un trait d'humanité, en fait. Parce qu'on n'échappe pas, en fait. Il n'y a pas de raison que ça n'existe pas chez nous. Ça existe dans tous les cercles. Ça existe dans toutes les cultures. Ça existe partout parce que le patriarcat existe partout. Et nous, on n'est pas... Enfin, le viol, c'est à propos du patriarcal. C'est une histoire de domination. Et moi, je dis toujours... Enfin, on voudrait que ma famille, ce soit la communauté noire en fait, mais ma famille, moi, c'est les personnes victimes d'agressions sexuelles dans l'enfance en fait. Ma mère a connu ça, ma grand-mère a connu ça, puisque aucune d'entre elles n'a choisi leur mari et elles avaient l'âge que j'avais moi, enfin ma mère avait 12 ans, quand leur première nuit a eu lieu. Donc moi je m'inscris dans une lignée de femmes, le rapport à la sexualité a toujours été contraint de cette manière-là. Et je suis aussi celle avec qui ça s'est arrêté. Alors, dans mon cas, le récit, je peux choisir de te le raconter à partir de ce qui s'est passé sur le canapé pour moi à 11 ans avec cet agresseur. Ou je peux te dire aussi, je n'étais que l'une des innombrables femmes de ma famille dont le premier rapport sexuel était un rapport forcé. C'est pas le même récit. La fille sur le canapé, c'est le nom de cette série de podcast pour Nouvelles Écoutes. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de réaliser cette série documentaire sur les violences sexuelles intrafamiliales dans la communauté noire? Parce que comme beaucoup de choses que je fais, j'ai eu envie de faire le programme que j'aurais voulu entendre. Je suis une grande spécialiste de ça. Je voyais personne d'autre arriver. Je continuais à écumer les rayons des librairies. Et je voyais aucun récit avec des femmes qui me ressemblent, qui portent ce témoignage-là. Moi, j'ai essayé en vain auprès des maisons d'édition de vendre ce témoignage-là. Et visiblement, on a eu tendance à voir plus le fait que j'étais noire que le fait que j'étais une personne victime de violences sexuelles dans l'enfance, en fait. Ce qui n'est pas antinomique, hein. Mais il y a un truc un peu chelou hein, dans les maisons d'édition françaises, donc les récits de certaines passent et pas les récits d'autres, et ça n'étonne personne de ne pas trouver certains récits en librairie. Si vous êtes noir, vous êtes au centre d'une affliction très particulière. N'importe qui peut vous toucher, écrit l'écrivain noir et homosexuel états-unien James Baldwin. Aux États-Unis, les statistiques sont disponibles. Les femmes noires courent environ 2,5 fois plus de risques que les femmes blanches d'être violées au cours de leur vie, selon une enquête de NOW, The National Organization for Women, l'une des plus grosses associations féministes du pays. En France, pas de chiffres publiés, mais les militantes afro-féministes dénoncent régulièrement le sexisme spécifique dont elles font l'objet. Hyper-sexualisées, animalisées, un corps qu'on peut forcer. Elles ont ainsi inventé le néologisme « misogynoir ». C'est quand effectivement le racisme est sexualisé et quand... Sharon Omonkoy. On a effectivement une spécificité qui s'inscrit tout simplement dans un passé, dans une histoire esclavagiste et coloniale où il y a toujours eu un discours particulièrement dévalorisant envers les femmes noires, envers leur corps, qui se perpétue encore aujourd'hui à travers des clichés, des préjugés, des expressions qui vont disqualifier, animaliser parfois aussi le corps des femmes noires. C'est un corps qui était colonisé, enfin c'est un corps qu'on voulait se dont on a abusé sexuellement. Voilà, c'est des corps qu'on a exhibés, qu'on a expérimentés, qu'on a manipulés, qu'on a maltraités. Voilà, le corps des femmes noires était un corps qu'il fallait maîtriser, qu'il fallait canaliser, abuser. Et ce sont des stéréotypes qui perdurent avec le temps. Voilà. Là, moi, je vous parle, je suis dans une position assez privilégiée. J'ai un travail, j'ai une carte d'identité française, je suis née ici, j'ai grandi ici. Moi, les femmes, par exemple, que j'accompagne sont, par exemple, des femmes migrantes où, là, les réalités sont totalement différentes. Il y a un enjeu aussi d'obtention de papier. Du coup, aller au commissariat, pouvoir parler, dire qu'on a été agressé. Il y a aussi la peur de dénoncer ça parce qu'on a peur des répercussions que cela peut avoir sur l'obtention de ces papiers, en fait. Et ça, c'est un poids et un stress qui joue énormément dans la prise de décision des victimes à aller parler aux autorités, en fait. C'est si je parle, qu'est-ce que ça me coûte ? Qu'est-ce que ça me coûte ? Alors, ça va me coûter émotionnellement, mais ça va me coûter aussi administrativement, sur le plan juridique. Et puis, il y a aussi une autre réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont précaires. Donc, si je prends le cas notamment des femmes migrantes que j'accompagne, il y a aussi la réalité de rester aussi confinées dans des situations où, contre un hébergement, elles vont aussi, des fois, être victimes, violentées, brutalisées, etc. Mais elles vont rester parce qu'elles ont besoin de dormir dans un endroit. Et c'est aussi comment accompagner ces situations de détresse où, à un moment donné, on n'a plus le choix. Et encore une fois, moi je pense qu'il faut être sensible à la question de la déshumanisation. Il faut accueillir ces paroles-là. Elles sont certes migrantes, mais ce sont des femmes en fait. Prendre la parole, c'est est-ce que je vais être écoutée ? Est-ce que je vais être écoutée et pas effectivement réduite à une migrante, donc à une personne qui n'a pas de papier, donc quelqu'un qui a moins de légitimité à parler, qui ne peut pas revendiquer des choses, qui ne peut pas faire état de sa réalité, sans que ça ait des conséquences sur son parcours et sur sa survie. Sur sa survie, en fait. Il y a celles et ceux pour lesquels les chiffres n'existent pas ou peu, mais que l'on sait très exposés aux violences. Des données grises, associatives, des enquêtes intracommunautaires recueillies par qui se déplace, s'intéresse, écoute. Les femmes en prison, en hôpital psychiatrique, en foyer, en centre de rétention administrative. Pour les travailleurs et travailleuses du sexe, le muselage de la parole est largement orchestré par un courant féministe dit abolitionniste, contre la prostitution, dont les discours influencent massivement les politiques publiques. Elles parlent par exemple de viol tarifé, pour qualifier le travail du sexe. Berthoul Borebec est travailleuse du sexe et militante afroféministe. Elle dédie son livre récemment paru aux éditions La Musardine aux salopes assumées, oubliées de MeToo, qui ont pourtant leur port à dénoncer. Déjà, des violences envers une femme dites respectables sont très peu souvent correctement jugées. Et du coup, quand on est prostituée, on est quasiment sûr qu'il n'y aura juste pas de justice, jamais. Déjà que la culture du viol, elle touche toutes les femmes. Du coup, il y a aussi des strates dans cette culture du viol où, quand on est pute, on sera toujours moins cru. Et surtout, il y a cette croyance que quand on est pute, on ne peut pas être violé. On n'a pas de consentement à donner, ce qui est complètement faux, bien évidemment. Et du coup, voilà, si on est salope et qu'on enchaîne les partenaires, la culture du viol fera que la parole sera encore plus remise en cause que si on est une femme de bonne famille, si on est mariée, si c'est dans le contexte du travail qu'on a été agressé, etc. Donc, c'est vraiment pas les paroles des personnes qui finalement sont les plus vulnérables et qui du coup sont encore moins défendues du fait de la culture du viol, qui ont été entendues pendant ces mouvements-là, et c'est ce que je dénonce aussi, et aussi dans un rapport vraiment intracommunautaire entre les féministes elles-mêmes, il y a cette monopolisation de la parole de collectifs féministes qui ne représentent pas toutes les femmes et du coup qui vont pas nécessairement représenter les travailleuses du sexe et qui vont pas nécessairement représenter les femmes racisées, et c'est également ça que je pointais. Des collectifs féministes qui, par exemple, aussi peuvent remettre en cause l'idée même que l'on puisse être travailleuse du sexe librement, entre guillemets, par choix. Il y a cette croyance qui consiste à penser que si on est volontairement travailleuse du sexe, on est forcément aliéné à un niveau qui fait que, de toute façon, notre parole ne peut pas être prise comme étant valable, ne peut pas être légale d'une femme qui se serait libérée de toutes les injonctions patriarcales et sexuelles. Encore une fois, c'est faux, pour tout un tas de raisons. Mais du coup, oui, voilà, il y a aussi cette volonté de parler à la place de certaines femmes, qui du coup est complètement absurde, vu qu'on ne peut pas parler à la place de certaines femmes si on n'a pas le même vécu que ces femmes-là. Si on n'est pas soi-même travailleuse du sexe, on ne peut pas connaître la réalité de ce que c'est que d'être travailleuse du sexe, tout simplement. Ça paraît logique comme ça, mais avec ces rapports un petit peu de hiérarchie un peu de la parole, finalement on se retrouve avec des représentantes de l'Amicale du Nid, par exemple, qui vont prendre leur idéologie et les faire passer pour des faits, quoi. Je m'appelle Beverly Ruby, j'ai 20 ans, je suis une femme trans, queer, travailleuse du sexe. J'ai subi des violences infantiles, j'ai subi des violences sexuelles, des violences transphobes, j'ai un peu le package. Est-ce que vous êtes sentie représentée dans les articles, les émissions, tout ce qui a pu être dit dans les médias à ce sujet? Je sais pas, en tant que personne queer, travailleuse du sexe, c'est assez difficile de se sentir intégrée et de pouvoir s'identifier dans la plupart des mouvements féministes parce qu'on est beaucoup rejeté de ceci, quoi. Il y a eu un petit écho quand même parce que je suis une femme, je subis le sexisme, j'ai subi des violences sexuelles, je suis féministe, je suis concernée par le féminisme. Et du coup, oui, il y a quand même un écho, mais il y a toujours ce souci d'exclusion avec les différents courants de féminisme. L'exclusion des femmes trans ou l'exclusion des travailleuses du sexe aussi? Oui, les deux. Moi, ce que je comprends pas, c'est comment on peut se revendiquer féministe, se battre pour les droits des femmes, pour que les femmes soient libres et qu'elles puissent faire leur propre choix, tout en enfonçant une partie des femmes, en fait en reproduisant des schémas masculinistes contre lesquels les féministes se battent, en nous confisquant la parole, sachant mieux que nous ce qui est bon ou pas pour nous, en voulant contrôler nos corps. Pour elle, il est inconcevable de vouloir être travailleuse du sexe, d'être bien dans sa vie et dans son job, en faisant le tapin ou en vendant tout autre service de nature sexuelle. Mais c'est le cas. Enfin... Et ses propos de viol tarifé, c'est hallucinant, quoi. Genre, c'est gentil de s'inquiéter pour nous, mais on va très bien. On sait dire non, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Moi, j'ai aucun souci à refuser des pratiques que je ne veux pas faire. Je refuse... Déjà, quelle est la différence entre la prostitution et le couple hétérosexuel? Quand tu rencontres un mec de Tinder qui te paye un restaurant dans l'espoir que tu lui suces la bite à la fin du repas, quelle est la différence? Quand tu vois tout le travail que les femmes, tout le travail gratuit que les femmes fournissent dans les relations hétérosexuelles, alors que nous, au moins, on en tire profit. Et toutes les femmes qui cèdent pour qu'on leur foute la paix, enfin... Le patriarcat veut de toute façon que la femme soit dévouée vers, pas envers elle-même, mais vers l'extérieur, vers une figure masculine. La mère, c'est envers son enfant, la femme, c'est envers son mari, et la prostituée, c'est envers les hommes, en règle générale, en fait. Et à partir de là, il n'y a pas volonté de réellement admettre que c'est un être qui a un consentement à donner, qu'elle a un avis à donner, qu'elle a un refus à donner, en fait. On fait toujours ce rapport entre travail du sexe et absence, enfin, non-nécessité de consentement, en fait. Vraiment, il y a, à partir du moment où on est prostituée, pour la plupart des gens, et à partir du moment où on est femme dans la grande extension, mais de façon un peu moins assumée, je pense, mais quand on est prostituée, oui, c'est sûr qu'on n'est pas censé pouvoir donner de consentement, parce que ça voudrait dire qu'on est complètement sorti des schémas patriarcaux, et c'est quelque chose qui fait extrêmement peur. La prostituée, ça reste quand même une femme qui monétise des services sexuels qui sont considérés comme dus pour la plupart des hommes, en fait. Donc déjà, ça, c'est une violence au patriarcat. Être prostituée, c'est foncièrement antipatriarcale, en fait, par essence. Et c'est ça qui fait qu'on déteste, qu'on avilie les prostituées et qu'on leur retire leur parole, parce que c'est leur donner autant de pouvoir que les hommes. Elles arrivent à faire de l'argent, donc en plus à être indépendantes financièrement, grâce à leur sexualité. La sexualité, c'est vraiment le bien des hommes, en fait, hein, dans notre système-là. Donc je pense qu'il y a cette volonté de remettre les prostituées à leur place de femmes, qui est du coup une place servile et une place silencieuse et une place du coup qui encore une fois est tournée vers l'extérieur, vers le fait de plaire, de faire du bien aux autres, notamment aux hommes, mais de ne pas nécessairement avoir d'avis à donner, de pas nécessairement avoir de plaisir à prendre aussi. Vous êtes dans un fauteuil roulant. Il vous enfermera chez vous ou bloquera l'accès à certaines pièces, vous empêchera d'aller chercher de l'aide. Votre corps est sensible aux coupures, aux ecchymoses, il lui sera facile de prétendre que vous êtes tombé. Le corps soignant n'ira pas chercher plus loin. Votre traitement comporte des médicaments troublant votre état de conscience, il en profitera pour abuser de vous. Peut-être que vous ne vous en souviendrez pas. Il dira que vous avez rêvé. Dépendante financièrement, vous subirez plusieurs viols conjugaux et des remarques constantes sur la chance que vous avez qu'il prenne soin de vous et sur le fait que sans lui, vous ne seriez rien. Vous finirez par le croire. Peu importe votre handicap, votre déposition ne sera pas entendue par la police. Le milieu médical ne sera pas en reste. Racisé, votre douleur ne sera pas prise au sérieux. Queer, transgenre, ces sujets-là seront balayés d'un revers de main. Vous êtes handicapé, c'est déjà bien assez. Et puis bon, violer une femme handicapée, c'est presque lui faire une fleur. Personne ne voudrait d'elle sans ça. Les hommes consentant à être en couple avec des femmes handicapées sont un peu des héros à leur manière, non ? Extrait d'un texte des Dévalideuses, prononcé à la marche Nous Toutes de Rennes, le 23 novembre 2019. Vous le connaissiez, ce texte ? Oui, c'est un texte très fort et très juste. Ça montre l'intersection, vraiment, des oppressions entre genre et handicap, et une réalité qui est pas assez dénoncé, qui est occulté, qui est nié sur des vécus qui sont pourtant nombreux. Selon une étude de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, en 2014, 34% des femmes handicapées de plus de 15 ans avaient subi des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire, contre 19% des femmes valides. Charlotte Puiseux est psychologue, docteur en philosophie et membre des Dévalideuses, collectif anti-féministe né dans le sillage des marches Nous Toutes. Un des premiers facteurs générant des violences sexuelles, c'est aux violences en général, mais c'est la dépendance économique. C'est le fait que les personnes handicapées ont un taux de chômage très très élevé. Donc ça s'explique souvent aussi par un manque d'accès à l'éducation, déjà à la base, aux écoles, aux universités, donc peu de niveaux pour ensuite occuper des postes, et puis aussi pour les personnes qui peuvent pas travailler, un des gros points peut-être, enfin, je sais pas si c'est le point essentiel, mais en tout cas c'est une des revendications majeures des personnes handicapées depuis des années, c'est le fait que les personnes touchant l'AAH, donc l'allocation adulte handicapé, en fait cette allocation est soumise au revenu du conjoint ou de la conjointe, et c'est rien qui est très bas, c'est-à-dire que si votre conjoint ou votre conjointe gagne à peine un SMIG, vous, en tant que conjoint ou conjointe, eh ben, vous allez perdre votre allocation. Donc forcément, quand vous vous retrouvez sans rien, quitter un compagnon ou une compagnante violent ou violente, ben, c'est difficile. Mais après, il y a aussi des aides humaines, techniques aussi. C'est toujours très compliqué d'avoir ces heures d'aide humaine. Et pourtant, c'est une des clés, justement, de l'autonomie des personnes handicapées et des femmes, en l'occurrence, de pouvoir, justement, se détacher de leur conjoint ou de leur conjointe aidante. Ou en tout cas, si elles choisissent de les employer comme aidantes, pas en tant que bénévoles. Donc, c'est déjà sur un pied plus égalitaire. Et puis, surtout, si ça se passe mal, elles peuvent employer quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a pas cette relation de dépendance à se dire « oui, mais c'est lui ou elle qui m'aide et je suis obligée de céder parce que si je ne cède pas, il ne m'aidera plus ou elle ne m'aidera plus ». Après, ce qui peut sembler paradoxal dans la vision sociale des femmes handicapées, c'est qu'elles sont souvent considérées comme des êtres asexués, donc pas de sexualité, pas sexualisable, ce qui parfois, on l'entend chez certaines femmes handicapées, les met un peu à l'écart des revendications féministes générales, parce que voilà, il y a cette désexualisation dont elles sont elles sont victimes, du coup, ce qui va un peu à l'encontre de l'hypersexualisation de la femme que combattent les féministes. Mais bon, au final, en y réfléchissant, on se rend compte que voilà, c'est toujours une question en fait de pouvoir sur les corps des femmes. Il y a un continuum qui se fait malgré tout sur cette question. Donc du coup, oui, cette désexualisation d'un côté. Et pourtant, elles sont une des premières victimes de violences sexuelles. C'est pas un hasard. C'est aussi parce que justement, quand elles sont face à des prédateurs sexuels, ben ces derniers se disent qu'ils vont être plus protégés, que de toute façon, les femmes seront pas crues si elles les dénoncent. Personne ne dira rien s'ils violent une femme handicapée, puisque on la croira pas, ou alors on dira, bah, de toute façon, c'est mieux que rien pour elle. Enfin, voilà, il y a tous ces discours autour de ces questions qui, je pense, nourrissent énormément les violences que subissent les femmes handicapées. Et voilà, après, il y a aussi toute la question des institutions, où je pense que, voilà, il y a aussi un milieu très fermé, un peu en vase clos, où il se passe des choses, voilà, sur lesquelles la société soit ferme les yeux, soit... Ouais, ferme les yeux, on va dire. Donc, on peut imaginer que pour la question des violences sexuelles, ça peut être un terrain assez propice à ce genre de choses. Les monstres, ça n'existe pas. C'est notre société, c'est nous. C'est nos amis, nos pères, déclare Adèle Haenel à Mediapart en novembre 2019. Selon des chiffres publiés par l'Association internationale des victimes d'inceste, en 2015, 4 millions de Français sont ou ont été victimes d'inceste. Seuls 10% des victimes portent plainte. C'est environ 2 à 3 enfants par classe de CM2 de 30 élèves, selon la sociologue Dorothée Ducy. Dans son ouvrage « Le berceau des dominations », elle brosse des portraits d'incesteurs, démontrant que peu d'entre eux sont pédophiles. Ils ont une vie sexuelle dite « normale », hétérosexuelle dans la majeure partie des cas. Le viol par inceste est un viol d'opportunité. Le corps de l'enfant est là, à disposition. Juliette Drouard est militante, trans, gwyn, et auteure d'un article consacré à la culture de l'inceste. Alors ce qui m'a amené là, c'est d'abord une lecture assez lointaine en fait, de Lévi-Strauss, qui parle du tabou justement de l'inceste, qui le pose comme étant le fondement en fait de la culture, ce qui permet la culture. Je crois que j'ai lu ce livre, on va dire aux environs de 17-18 ans, et assez, on va dire instinctivement, parce que je savais déjà moi-même que la pédocriminalité était un fait. J'ai une plutôt une forme d'intuition de ce n'est pas vrai. Il n'y a pas ce tabou-là. Ce tabou-là n'existe pas. Et l'intuition de peut-être, au contraire, c'est la permissivité d'abuser les enfants qui fonde aussi la culture des dominations. Donc il y a eu cette première intuition, mais qui n'était pas... En tout cas, que j'ai laissé là, peut-être de par ma propre histoire, et d'être en travail. On ne peut pas ouvrir aussi toutes les choses en fonction des ressources qu'on a à un moment T. Et c'est réapparu... quand j'ai créé le festival qui s'appelle Des sexes et des femmes, où du coup, une des premières choses que je voulais faire dans ce festival, c'était un espace de discussion sur l'inceste. Et du coup, à ce moment-là, j'ai cherché des ressources qui pourraient rentrer en cohérence avec cette intuition qu'il y a une généralité ou un côté systémique de l'inceste qui permet d'instaurer des liens de domination, ou en tout cas qui en est un outil très très puissant. Et j'ai fait face notamment à beaucoup de vides par rapport à cette question-là, avec très peu de travaux, on va dire, disponibles en français, et souvent des concepts plutôt pathologisants, justement qui ne permettent pas la politisation et qui ne permettent pas de contrer de « c'est de l'ordre du monstrueux, ça existe à la marge, mais bon, voilà ». On va les enlever de nos yeux, quelque part, dans un lieu clos, et tout va bien se passer. Et j'ai rencontré le livre de Dorothée Ducy, Le berceau des dominations. Après, il y a aussi La domination des adultes, d'Yves Bonnardel. Christine Elfie a aussi travaillé sur ces questions-là. Et en fait, il y a une geste très aussi féministe là-dedans, Louise Armstrong dans les années 70. Je pense qu'on tire les fils aussi à partir de cette posture. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard à retourner cette pierre-là, et d'être moi-même une personne gouine et trans. C'est aussi ma position située qui fait qu'à un moment donné, on en vient plus facilement à interroger des dispositifs qui, de toute façon, ne nous bénéficient pas ou nous sont interdits, à savoir la famille. Et donc, je parle de la culture de l'inceste parce que donc on parle de la culture du viol à juste titre. Mais ce qui interroge, c'est que pourquoi on ne parle pas de culture de l'inceste ? Et ça rejoint aussi la question de MeToo, qu'est-ce qui est parlé, qu'est-ce qui n'est pas parlé en termes de violence sexuelle et qu'est-ce qui fait tabou ? Et ça revient aussi à qui parle, parce que la culture de l'inceste est très très liée à la mise en place de la famille comme structure de base, comme unité de base, faisant communauté. Et la culture de l'inceste est aussi principalement destinée à faire exister cette famille-là. Donc c'est compliqué aussi en termes de conflit, de loyauté, de pouvoir adresser en tant que personne cis et hétéro les questions de l'inceste parce qu'elles sont déflagrantes, notamment par rapport à la mise en place de cette première cellule de communauté. François, est-ce que tu peux venir, s'il te plaît ? François, ce que t'a fait le père Prena, c'est mal. Et c'est interdit par la loi. Un prêtre n'embrasse pas un enfant sur la bouche et ne lui touche pas les fesses. Il peut aller en prison pour ça. Moi, je veux pas qu'il aille en prison. Oui, François, mais on ne peut pas ne rien faire. Il n'avait pas le droit de faire ce qu'il t'a fait. Nous avons donc décidé que vous n'irez pas au camp Scout en Irlande, ton frère et toi. Mais moi, je voulais y aller au camp. Louis. Mais il s'en fout, Prena, de moi. Ce qui l'intéresse, lui, c'est les petits. Les chiffres concernant les violences sexuelles faites aux mineurs varient. 7000 environ, si l'on compte les plaintes, 165 000 selon des associations. Difficile à évaluer. Les silences sont persistants, durent longtemps. En mars 2020, le prêtre Bernard Prena est condamné à 5 ans de prison ferme pour avoir agressé sexuellement 10 jeunes scouts de Sainte-Foy-les-Lyons. 10. Selon ses propres aveux, il a agressé 4 ou 5 enfants par semaine lors de l'organisation de camps scouts entre 1972 et 1991. Les victimes sont vraisemblablement des milliers. En témoigne le nombre de récits recueillis par l'association La Parole Libérée, cofondée par François Devaux, lui-même victime du prêtre. Je crois que dans les violences sexuelles, qui est déjà en soi un sujet sociétal colossal, sur lequel on est globalement, à l'échelle de l'humanité, pas du tout à la hauteur. Et on l'a vu ces dernières années avec toutes les explosions qu'il y a eu de faits dans tous les milieux confondus. Et je crois que dans ce mal sociétal qui est déjà énorme, je crois que les institutions religieuses ont encore une dimension supérieure, ont encore une dimension particulière, singulière, de par l'ascendance morale qu'elles occupent sur les consciences. La religion catholique, ça a été dit d'ailleurs par un pape, est garante de la morale, de la bonne morale. Donc on est au-dessus de tout, on est dans l'emprise spirituelle. Et quand un prêtre représente le Christ dans sa paroisse, quand un archevêque représente le Christ dans son diocèse, quand un pape est le successeur de Saint-Pierre, en fait, vous ne pouvez rien répondre à ce qu'il vous dit. Vous ne pouvez jamais critiquer. Et quand vous avez des parents qui admirent un prêtre comme ça, qui agit presque comme un monarque dans sa cour, l'enfant, sans le comprendre, il voit bien dans le regard de ses parents toute l'admiration qu'ils ont pour le prêtre. Et donc, quand l'enfant est dans les petits papiers de ce prêtre-là, c'est un moyen de montrer à ses parents, t'as vu, le prêtre que tu adules, eh ben moi je suis son pote. Moi je suis vraiment son pote. Mais je suis son pote plus que toi tu ne l'es avec lui. C'est-à-dire qu'on a des échanges qui dépassent, on a des confidences qui dépassent. Et donc on rentre dans un jeu comme ça de confidences où l'emprise est grandissante en fait. Et l'enfant se fait progressivement prendre dans un jeu, un engrenage, qui devient de plus en plus ambigu, jusqu'au moment où en fait il ne peut plus faire machine arrière, parce qu'il ne peut plus dire il m'a embrassé ou il m'a violé ou bah oui mais combien de fois, mais depuis combien de temps, mais pourquoi tu l'as pas dit avant. Un enfant, d'abord on joue sur un registre, la sexualité, qu'il ne connaît pas, il ne comprend pas, il ne sait pas ce que c'est, il ne sait pas ce que c'est que le désir, la pulsion sexuelle. Et donc c'est là que la responsabilité des parents doit opérer, quoi. Quand il n'y a pas d'autres dispositifs pour faire communauté, la survie matériel et social dépend souvent du fait de pouvoir se maintenir dans un système familial cis-hétérosexuel. Et effectivement, malheureusement, dans beaucoup de cas, la famille choisit la famille plutôt que de protéger la personne qui a été victime de ces violences-là. Et donc, il y a aussi ce traumatisme de ne plus savoir qu'est-ce que j'ai demandé, qu'est-ce qui a été dit, quelles sont mes émotions, quelle est ma part de responsabilité, etc., etc., qui est extrêmement traumatique dans ces agressions. Enfin, même ultimement traumatique dans le sens où c'est les personnes en lesquelles on nous a appris à avoir confiance. Aussi la dissonance cognitive, ce qu'on appelle la folie et les maladies mentales, et qui en fait sont de toute façon surreprésentées chez les personnes minorisées. Donc de politiser ça aussi et d'arrêter de dire que naturellement il y a des personnes qui développent des maladies mentales et d'autres non. Vous parlez des maladies mentales, je pense à une phrase qui est écrite dans « À la demande d'un tiers » de Mathilde Forger, Mathilde qui est au cœur aussi de ce documentaire. Dans « À la demande d'un tiers », elle parle, il y a tout un chapitre qui est consacré au viol par inceste qu'a subi sa mère, qui avait été internée en hôpital psychiatrique, qui s'est suicidée. Et quand Mathilde mène l'enquête pour comprendre le pourquoi de ce suicide, elle comprend plus tard et elle dit « délirer, c'était sa manière de résister ». Et ce qu'on a pris pour de la folie, c'était aussi une résistance, en fait, aussi. Effectivement, comment on peut vouloir être dans la réalité quand la réalité est celle-ci, autant peut-être perdre pied, parfois, et j'irais peut-être, enfin, résistance et à la fois expression de justement cette silenciation, ces injonctions paradoxales qui rendent fou. Donc je suis Mathieu Fouché, journaliste indépendant, réalisateur, militant gay et PD. J'ai 24 ans quand rentrons d'une free party à Amsterdam, allongé sur le lit de ma meilleure amie, tous les deux savamment défoncés, la voix tremblante et la gorge nouée, je crache enfin le morceau. À l'âge de 10 ou 11 ans, j'ai été victime d'attouchements sexuels imposés par un homme d'une quarantaine d'années. C'est ainsi que Mathieu Fouché, journaliste indépendant, ouvre une enquête sur les violences sexuelles faites aux gays, publiée sur le média en ligne Vice. Il rapporte des données issues de l'étude Virage sur les violences de genre et intrafamiliales, publiée en avril 2020 par le Défenseur des droits. 6% des hommes homosexuels répondaient avoir été agressés ou violés au moins une fois au cours de leur vie par un membre ou un proche de leur famille, contre 0,5% des hommes hétérosexuels et 2,5% des femmes hétérosexuelles. Il titre « À la recherche d'un MeToo gay ». La manière dont cette parole est reçue, c'est toujours une question qu'on va se poser. Moi, je sais que quand j'ai fait part des violences que j'avais subies, on m'a pas cru. On m'a persuadé que ça n'était pas arrivé. Et je pense qu'à partir de ce moment-là, on intériorise le fait que cette parole n'est pas une parole comme les autres et que donc elle sera toujours reçue, que ce ne sera jamais un geste anodin, en fait, de dire ça. Et pour les gays, je pense qu'il y a déjà une honte très forte qui est liée à leur propre orientation sexuelle et la peur d'être repathologisé, en fait. Je pense que quand on a enfin réussi à faire accepter à son entourage qu'on n'était pas un malade mental, qu'on n'était pas une personne dérangée, on n'a pas envie de donner une clé à cette personne-là, une clé supplémentaire de penser qu'en fait, on est une personne qui a des problèmes. Et c'est ce qui rend cette parole encore plus difficile, c'est que la société veut faire de notre orientation sexuelle une conséquence des abus qu'on a pu vivre. On est pathologisé là où l'hétérosexualité est naturalisée. Le régime hétérosexuel a besoin de chercher une cause à l'homosexualité. Et quand on veut démontrer qu'il y a une très forte prévalence de violences sexuelles subies dans l'enfance ou l'adolescence chez les gays, on sait qu'on va aussi potentiellement alimenter ce discours-là, qu'on va donner ces clés-là aux homophobes, mais même dans nos familles qui finalement ne sont jamais très au clair. Et je pense que les hétérosexuels, aussi ouverts et tolérants soient-ils, au fond d'eux, dans leur inconscient, ont probablement toujours une perception de notre orientation sexuelle comme quelque chose qui n'est pas totalement naturel. Pourquoi est-ce que cette parole émerge si difficilement? C'est aussi que pour un gay, à cause de cet inconscient collectif, des gays comme des prédateurs et des pédophiles, un jeune gay qui a été victime d'agression et qui prend conscience de son orientation sexuelle va être confronté à des questionnements très durs et à la peur de devenir son agresseur, en fait. Pour les gays, admettre d'être attirés par des hommes, et à cause de cette pathologisation que nous-mêmes, on va intérioriser à un moment de notre vie, c'est des parcours qui sont extrêmement douloureux et dont je pense qu'il est très difficile de rendre compte publiquement. C'est assez dur de dire sur la place publique que pendant toute votre adolescence, vous avez eu peur de devenir un monstre. Ça verrouille aussi cette parole, en fait, c'est beaucoup de honte, quoi. C'est une trajectoire qu'on garde pour soi, c'est vraiment une identité dont on accouche dans la violence, dans ce cas très spécifique, ce qui rend encore plus difficile d'en parler. Et il ne s'agit pas du tout de nier que, au sein de la communauté gay, il y a aussi des agressions et donc des agresseurs. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était de laisser la parole aux victimes, puisque s'il y a des agresseurs, c'est donc qu'il y a des victimes. Et en se plaçant du point de vue d'un jeune gay ou d'une personne gay, en partant de mon expérience, en fait, que ce soit des abus sexuels que j'ai pu vivre dans l'enfance ou d'un viol que j'ai vécu à l'âge adulte et de multiples agressions sous des formes diverses, c'est de dire qu'en tout cas, un gay va être confronté à ces violences-là. En fait, les gays comme catégorie sociale, comme groupe social, occupent une position assez ambiguë, en fait, au sein du patriarcat. Et c'est aussi ce que je voulais faire dans mon article, c'était notamment en évoquant les violences à l'âge adulte, c'était rappeler qu'en tant qu'homme, relationnant avec des hommes, les gays et les hommes bisexuels, allaient être exposés à énormément de violences, mais aussi en commettre eux-mêmes. Et je pense que c'est ce qui rend cette question particulièrement compliquée et peut-être aussi certaines complicités avec le féminisme assez complexe, c'est que les gays ne sont pas forcément les bonnes victimes, puisqu'ils sont aussi un petit peu coupables quelque part, en tant que groupe social. Et c'est assez compliqué, parce que moi je voulais pas non plus tracer une ligne stricte entre ceux qui seraient les bons gays victimes et victimes de mauvais gays oppresseurs. Je pense que la question est beaucoup plus complexe que ça. Je pense que la communauté gay, elle est traversée par le patriarcat. Elle peut parfois reproduire des comportements patriarcaux. Et ce qui m'intéressait, c'était d'essayer d'interroger la place des gays dans cette espèce d'économie de la violence, en fait, et des violences sexuelles. Toutes ces violences appartiennent au même système, mais à l'intérieur du système, on occupe des places différentes et qui vont réveiller chez des gens des questionnements très différents. Et je pense que si on veut se demander comment tout ça fait système, il faut aussi interroger toutes les différentes facettes de ce système, avec aussi ses paradoxes, avec ses spécificités, ses contradictions, ses nuances, passer aussi du privé au politique et ajouter ces récits de gays à tous ces autres récits de victimes de violences patriarcales, c'est une manière de regarder ce qui résonne les uns chez les autres et à partir de ça construire une lutte plus puissante, des complicités profondes en fait. Was sagt ihr? C'était Violé, une histoire de domination. Les voix passées sous silence. Avec Mathilde Forger, Anne Tonglet, Sharon Omankoy, Axel Jaenjike, Bertoul Borebec, Beverly Ruby, Charlotte Puiseux, Juliette Drouard, François Deveau et Mathieu Fouché. Merci à Lorraine Safou pour les précieuses analyses publiées sur son blog Mrs. Roots. Documentation Radio France, Annelise Signoret.